Tu t'en vis du matin, tu vois, ça vient, tu sais. Une petite envie du matin, tu sais pas d'où ça vient, tu sais. Une petite envie du matin, tu sais, tu vois, tu sais. Une petite envie du matin, est-ce que tu sais d'où ça vient, tu sais. Une petite envie du matin, ça vient comme ça, tu sais. Une petite envie du matin, ça vient d'où ça vient. Une petite envie du matin, tu sais pas d'où ça vient, tu sais. Une petite envie du matin, ça vient du là où c'est comme un